franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 191. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 7 février 2010, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es fichtrement fatigué par la publication incessante des sondages, comme celui qu'on nous a encore balancé avant-hier. Oui, pour la prochaine présidentielle, les Français éliraient Dominique Strauss-Kahn plutôt que Sarkozy. Apparemment, oui. Ouais, mais il n'y aura pas de prochaine présidentielle. Comment ça? Vous n'êtes pas au courant de la grande laitue qui va s'écraser sur Terre demain à 15h? Ah non? Une laitue de la taille du soleil, monsieur. Voilà. Ce matin, l'ami, tu redécouvres les grosses salades du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin l'arrogance de la haute finance, puis un coup de poker sur tapis vert et le sacrifice des retraites contre la banqueroute. Dans la foulée, nous trouverons un écho à cette crue diluvienne et parisienne durant l'hiver 1910, c'était il y a tout juste un siècle. Ensuite, nous arpenterons clandestinement les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont entamé la célébration du 60e anniversaire du SMIC, une histoire de salaire minimum que nous ausculterons ici avec une attention optimum. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains où Jean-Claude, président du comité des fêtes, a décidé d'organiser une fête foraine à l'occasion de la Chandeleur. Et puis, nous enchaînerons avec le dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous toucherons du doigt une définition subjective de la 7e lettre de l'alphabet, le G. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et lâche le ton. After all the way we see, I got my hands from my machine. You could just put on line, so I got some peace of mind. groupe. C'était en 2006, les petits Frenchies de Cassius, un duo électro qui a évidemment trouvé son nom sur un ring. Je me souviens de ce voyou. Je crois qu'il était boxeur. Son vrai nom, c'était Joe Chicago. Oui, il boxait sous le sobriquet de Kid de Minneapolis, oui. J'ai vu le Kid de Minneapolis combattre à Cincinnati. Non, ça, c'était le Kid de New York. Tu t'y connais en boxeur. Mais... Le truc, c'est de toujours parier sur un boxeur noir. Alors, à 11h11, au son des cloches, te voici confortablement vautré afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 191e épisode du Mangin Palace. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujelet, dans sa petite session freudienne, a souligné pour nous l'arrogance de la haute finance et un coup de poker sur tapis vert, sans compter le sacrifice des retraites contre la banqueroute. Allez, en route maestro, tend bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin ! Cette histoire est tirée de faits réels. Georges Juge, bonjour. Bonjour. Lui, je le reconnais pas, lui. C'est notre bookmaker. Ancien vice-président de la Bourse de New York, président de Galileo Global Advisors. C'est qui a amené ce mec ? Le premier ministre portugais disait hier qu'il trouvait un peu fort de café. Oh, ça va saigner ! D'être mal noté par des agences de notation, alors que les États ont été obligés d'intervenir massivement pour sauver leurs économies et pour sauver l'économie mondiale. Oui, mais là, il y a quand même un os. Je ne suis pas convaincu que des agences de notation privées puissent continuer à prendre la responsabilité de la notation de pays. Non, mais tu te rends compte ? Ils interviennent dans la politique. Tu as entendu ce qu'ils viennent dire ? Je crois qu'il faut absolument que nous essayions de trouver des standards sur les pays qui tiennent compte d'un certain nombre d'autres éléments que simplement l'intérêt des investisseurs. Bah, je veux pas te casser, mais je pense que t'as plus de chances de voir chier un cheval de bois. Alors vous revenez, Thomas, ce matin sur le deal proposé par Daniel Cohn-Bendit. Eh bien... Vous voulez regarder les contrats ? Oui, l'idée de Cohn-Bendit est assez simple et logique. Il propose que les écologistes ne présentent pas de candidats au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Cet alinéa est ravissant, oui. Et en contrepartie, les socialistes leur garantiraient de pouvoir présenter un candidat écologiste d'Union Vert PS. Ah oui, je vois, je vois. Dans une cinquantaine de circonscriptions, dont un nombre de circonscriptions gagnables suffisant pour pouvoir constituer un groupe parlementaire Europe écologiste. J'ai tombé mon stylo. La belle mécanique électorale de Daniel Cohn-Bendit. Vous trouvez ça normal ? Fait fi du programme sur lequel il faudra bien s'entendre. Vous avez vu la quatrième dimension, celui où le type signe un contrat ? Par exemple, les questions du nucléaire ou de la fiscalité écologiste ? Merde, ça donnera rien. Et on voit mal les socialistes prendre le risque que se constitue après l'élection un groupe parlementaire vert avec lequel il faudrait compter. J'ai changé d'avis. Bref, l'idée maligne de Daniel Cohn-Bendit n'est pour l'instant qu'une idée maligne. Je crois que c'est râpé, là. Bonjour François Chérec. Bonjour. Dis toujours les clauses avant de signer, amigo. Le gouvernement avance d'ores et déjà de nombreuses pistes sur la réforme des retraites, alors que la négociation n'a pas encore commencé. Le Premier ministre veut donner un signe, en particulier vis-à-vis de l'Europe, on en parle, hein, sur les déficits publics. La justice sociale, il s'en moque. Oh, quelle vacherie, dis donc. C'est déjà plié, d'après vous, ou pas ? On a le sentiment que le gouvernement a déjà décidé. Non ! Que le gouvernement, il faut qu'il choisisse. Ou il veut faire une vraie réforme sur le fond, par le dialogue, ou il décide tout seul, et inévitablement, il y aura des conflits. Eh ben, il serait peut-être temps d'y penser. Le message est net. Le président américain rendra visite aux 27 lorsqu'ils se seront organisés pour traiter des sujets sérieux. Je sens que j'ai un défi à relever. D'abord, l'Amérique s'intéresse plus que jamais à elle-même. C'est de ça dont vous désirez parler ? Et quand elle s'intéresse au monde, c'est à l'Asie comme rival ou au Moyen-Orient comme problème. Si l'Europe ne peut pas contribuer à la solution des problèmes, pourquoi s'intéresser à elle ? Ces arbres, je trouve ça. Ouais, ces arbres, c'est pas normal. L'Union n'est plus audible. Au fond, ni l'Amérique ni la Chine ne la prennent au sérieux. Ah, je sais, c'est une sacrée douche. C'est une sacrée douche. Transition merveilleuse et humide pour aborder ce matin la montée des eaux. Car tu le sais, il y a tout juste 100 ans, un siècle quoi, Paris était sous les eaux. Nous étions en 1910 et la fin du mois de janvier a vu peu à peu le niveau de la Seine monter. Que d'eau, que d'eau. Alors bien entendu, cette inondation mémorable peut se reproduire et il n'est pas évident que l'expérience du passé fasse que nous y soyons mieux préparés avec bétonnage et bitumage à foison, plus grosse quantité de construction sur zone inondable en région parisienne. Alors, ce matin, pour aider à prévenir tout débordement excessif de la Seine dans un remake de 1910, la panique va te proposer ici quelques petits tuyaux. Bon, déjà, en 1910, tout avait commencé par des sols gorgés de flotte après un été et un automne pourris. Mais bon, personne n'était vraiment inquiet. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Voilà. Comme en 1910, tout peut commencer par une petite pluie continue qui se transforme en averse torrentielle. Alors se leva une grande tempête. Et la pluie se mit à tomber pendant des jours et des jours. Puis déferla un flux comme on n'en avait jamais vu. Ne va pas tarder. Mettez-vous à l'abri. Oui, seulement voilà. En 1910, l'eau monte trop rapidement pour que l'on puisse construire les digues, les batardeaux et tout mettre à l'abri. Ainsi, le 20 janvier, l'eau est au niveau des actuelles voies sur berge et le 23, elle est à 6 mètres. Il n'est alors évidemment plus question pour les boudus de dormir sous les ponts. Eh ben, il pleut encore. T'as vu les inondations qu'il y a en ce moment ? Oh, les pauvres gens. Bon, d'accord, moi, je suis dans la merde. Mais ceux qui ont quelque chose, les pauvres. Eh oui, c'est toujours les plus riches, les plus pauvres, car ils ont beaucoup à perdre. Mais rassure-toi, ces gens-là se remettent assez vite des petits désagréments de la vie en 1910, tout comme aujourd'hui. Alors, ces inondations de 1910 ont été dramatiques, mais elles ne firent heureusement qu'une seule victime intramuros. Mais ce qui est fascinant, c'est la dimension que prit cet événement. La crue de 1910 fut l'occasion d'un grand barnum médiatique qui traumatise les esprits à chaque montée des eaux, comme par exemple dans les actualités françaises de janvier 1955. À Paris, la Seine a dépassé les 4,50 m de la côte d'alerte. Le dispositif de sécurité a été mis en œuvre. Sur les quais les plus bas, on a commencé à dresser des digues supplémentaires de ciment. On a colmaté les égouts ou entouré les bouches d'égouts de murs de sécurité. Toutes précautions ont été prises pour éviter le désastre de 1910. Année terrible où l'on vit la Seine sur le parvis de Notre-Dame et les députés obligés de se rendre à la chambre en bateau. Si la gare Saint-Lazare baignait dans l'eau, c'était bien pis du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus aurait-on pu s'y promener en barque. Les stations de métro s'étaient transformées en piscines. Et l'esplanade des Invalides était un lac. Le Paris de 1910, c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour la passerelle de planches et où la vie devenait un tour de force. Les Parisiens qui se souviennent de 1910 ne tiennent pas à recommencer. Et en effet, personne ne tient à revivre les inondations parisiennes de 1910. Eh oui, tu t'imagines, toi, si tu es parisien, bien entendu, devoir, je ne sais pas moi, être obligé de te rendre à ton boulot en bateau avec tes collègues. J'en peux plus, j'ai mal au ventre. T'as qu'à pas gayer au lieu de gémir, on arrivera plus vite. Elle a raison, Edouard. Sers-toi de ta pagaie. Ma pagaie ? Mais oui, Edouard, ta pagaie ! T'as déjà oublié ? Je voudrais pas vous affoler, mais je crois qu'on va vers un très gros problème, là. Ah bon, vous croyez ? Mais non, il ne faut pas dramatiser. Car si une crue gigantesque, comme celle de 1910, s'annonçait aujourd'hui, il est à peu près certain que les instances dirigeantes et responsables de la santé publique, comme elles l'ont fait pour la grippe, constitueraient immédiatement des stocks de millions de bouées gonflables. Avec ou sans canard. Parce que, qui l'eût cru, les peurs collectives ont toujours un intérêt. Les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant ? Ce qui reste, le vide. le désespoir. Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Mais dis donc, dans notre monde inondé de crises sociales et de débordements économiques, ça reste pertinent, ça. Cependant, après la crue de 1910, des travaux ont été effectués pour canaliser le fleuve, avec notamment les grands lacs de la Seine en amont de Paris pour réguler le débit. Eh oui, le fleuve est dorloté. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit, et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit. Elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. La Seine a de la chance. Elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit et s'en va vers le Havre et s'en va vers la mer en passant comme un rêve au milieu des mystères, des misères de Paris. Les misères de Paris furent nombreuses après les inondations de 1910. Et encore, à une époque où le chauffage se faisait au bois ou au charbon et où la lumière était essentiellement produite par des lampes à pétrole, les coupures d'électricité avaient bien moins d'impact qu'elles ne l'auraient aujourd'hui. Car, c'est certain, les effets d'une catastrophe dépendent de la société qui l'a subie. En Haïti, par exemple, c'est très facile pour les pays riches d'expliquer l'ampleur du désastre par la violence du séisme. Ça permet de cacher comment nous avons laissé sombrer et abandonner ce peuple. Alors bien sûr, en Île-de-France, le risque d'une inondation aurait des conséquences bien moins dramatiques. Certes, il y aurait des problèmes de logement et de relogement. Mais bon, ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mathieu et Coralie Legrand sont à la recherche d'un appartement dans Paris depuis 18 mois. Une recherche difficile tant les propriétaires sont devenus exigeants. Pourtant, cette fois-ci, l'affaire semble bien engagée. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec le propriétaire, M. Brun, pour examiner leur dossier. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci. Je vous ai mis les fiches de paye. Mathieu est contrôleur de gestion et gagne 4 300 € par mois. Coralie est secrétaire médicale à 1 700 € par mois. C'est bon, mais pas suffisant. D'ailleurs, les parents de Mathieu se portent caution de leur fils pour la location de l'appartement. Les parents de Coralie se portent caution, ainsi que ses grands-parents et l'arrière-grand-mère de Mathieu. C'est bon, mais pas suffisant. Monsieur Brun doit s'assurer de la bonne santé de ses futurs locataires. Coralie et Mathieu Legrand fournissent un dossier médical complet. Monsieur Brun est rassuré, mais ce n'est pas suffisant. Il doit maintenant procéder à un dépistage du cancer du sein pour Coralie et à un dépistage du cancer de la prostate pour Mathieu. C'est bon, mais pas suffisant. Soucieux du confort de sa copropriété, M. Brun veut maintenant s'assurer de la tranquillité de ses futurs locataires. Il doit vérifier que Coralie ne fait pas trop de bruit quand elle jouit. C'est bon, mais pas suffisant. Au revoir, merci. Mais on n'a pas l'appart. J'ai hurlé quand il m'a mordi le clitoris. Love, long distance. C'est la douleur de s'aimer à distance que déplore ici The Gossip. Néanmoins, il y a parfois danger à s'aimer de trop près. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Je me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Alors maintenant, après avoir revisité le centenaire de cette incroyable crue de la Seine, il est temps à 11h27 de nous intéresser à un autre anniversaire, celui du SMIC, qui fêtera ses 60 ans jeudi prochain. En effet, c'est le 11 février 1950 que le gouvernement de Georges Bidault, qui fut président du Conseil national de la Résistance, mit en place un salaire minimum dont bénéficient aujourd'hui à peu près 4 millions d'employés. Enfin, bénéficie, ça dépend, puisqu'on peut également envisager le SMIC comme une source d'inégalité. Peut-on vivre de la même manière à Paris qu'en région avec un SMIC ? Est-il normal que 2 salariés sur 3 dans l'hôtellerie et la restauration ne touchent que 1343 euros bruts par mois quand on connaît l'ingratitude des horaires dans ces métiers ? Et que dire de la maigre augmentation de ce salaire minimum depuis 20 ans devant l'explosion des plus hauts revenus ? Quoi qu'il en soit, nos joyeux fantômes radiophoniques ont tenu à célébrer ce 60e anniversaire du SMIC. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives, au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous devions vivre avec le SMIC. Alors, jeudi soir, nous lui avons installé un lit de camp dans le salon, et quand il est arrivé, il a eu droit à un accueil en fanfare. Ce matin, apparu au journal officiel, le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti. Dès le 1er septembre, partout où il existe des ouvriers et des ouvrières qui gagnent moins que le minimum attribué à la zone dans laquelle ils vivent, et ils sont des centaines de milliers, leur salaire sera augmenté pour égaler le minimum. Le décret publié ce matin est pris en faveur des moins favorisés et pour les protéger. Mais certains n'appréciaient pas de voir le SMIC squatté dans le salon. Alors, ils ont tenté de le faire fuir, en l'humiliant publiquement. Le patron des patrons, François Périgaud, a eu un mot malheureux cet après-midi en prononçant un discours devant la chambre syndicale des minerais. Après avoir déclaré « le SMIC est un anachronisme », Périgaud a lancé « si les SMICards sont des SMICards, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose ». Heureusement, il y en avait d'autres qui l'aimaient bien, mais ils le trouvaient un peu maigrichon. On peut penser par exemple à des gens qui habitent dans une HLM par exemple, et qui payent un loyer de combien ? 737 francs avec les charges locatives, c'est-à-dire plus des deux tiers du SMIC. Lorsque la ménagère, la mère de famille, qui s'intéresse à notre débat ce soir, M. Giscard d'Estaing, s'intéresse à notre débat, elle est là, et elle a besoin qu'on lui parle de choses pratiques. Quand on parle de progrès, quand on parle de changement, elle, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit que lorsqu'elle achète le lait, lorsqu'elle achète tous les produits qui sont de première nécessité, qu'elle constate qu'en 1969, elle payait... de 88 et aujourd'hui 6,65 francs. C'est l'angoisse quotidienne. Alors on s'est dit que si on l'engraissait nous-mêmes, on pourrait faire des merveilles. Surprise, cet après-midi à Besançon. Les délégués syndicaux avaient travaillé dans le secret et ils ont pris tout le monde de vitesse. Ils ont distribué aux employés la première paye réalisée avec la vente des montres. Vente de montres qui a lieu depuis que l'entreprise fonctionne en autogestion. L'événement est important car Richard Vernet, c'est le premier du genre en France et même sans doute dans le monde. Les LIP ont touché cet après-midi avec 24 heures d'avance sur la date annoncée, leur paie du mois de juin, leur paie entre guillemets. Paie qui a pu être assurée grâce aux produits, vous le savez, de la vente sauvage des montres. Une première, un symbole, un événement dans le monde ouvrier, puisque c'est la première fois que des travailleurs assurent eux-mêmes leur salaire. Et comme tout le monde, les ouvriers ont été surpris par la nouvelle. Contents, le sourire aux lèvres, ils se sont précipités dans les bureaux de la direction pour toucher leur enveloppe. Mais ils ne prenaient toujours pas un gramme. Alors on a appelé son père, qui nous a expliqué ses difficultés de croissance, sa naissance périlleuse. Notre première action, si vous voulez, ça a été une grève générale en novembre 1949. Et nous réclamions le retour à la liberté de négociation des salaires, des conditions de travail dans le cadre des conventions collectives. Et c'est à la suite de cette grève que le Parlement a voté la fameuse loi du 11 février 50. C'est d'ailleurs à cette époque qu'est né le salaire minimum. Car nous savions que même avec la liberté de négociation, il n'y aurait pas d'accord tout de suite partout. Et pour éviter qu'on laisse trop sur le bord de la route les petits salariés, on avait donc fait passer cette idée du salaire minimum, c'est de là que c'est né. Du coup, on le pesait tous les jours et on se tenait au courant dès qu'il y avait le moindre changement de poids. Service après-vente, bonjour. Oui, le SMIC va augmenter ? Oui, de 0,35%. Yes ! Génial ! Merci beaucoup, Flora Bernard. Juste pour info, une augmentation du SMIC de 0,35%, ça représente à peine 4 euros bruts par mois. Oh, oh, la panacée. Toujours est-il qu'à 11h33, il est temps de quitter SMICMAC et de rejoindre nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, nous sommes aux frontières du réel, puisque nous entrons sur la commune de Gros-Boule-les-Bains, où nous attendent Monique, la bonne pâte à crêpes, et Jean-Claude, le chamboule-tout. À ce propos, depuis qu'il a été élu président du comité des fêtes, il est vrai que Jean-Claude a chamboulé beaucoup de choses, un peu comme un fier à bras, un parangon de la rupture. Et figure-toi que depuis l'an passé, il tente, entre autres, d'imposer une nouvelle tradition dans le village, organiser tous les ans une fête foraine, le jour de la Chandeleur. Seulement voilà, vendredi de la semaine passée, la vice-présidente du comité n'a pu s'empêcher de rappeler à Jean-Claude que l'an passé, ce fut un peu compliqué, cette fête foraine. Organiser une fête, comme ça, ça a l'air mignon, mais les lascars que vous invitez à votre fête, c'est quand même les pires bourrins du pays. La dernière fête, ils étaient tellement beurrés, il y a eu 3 morts. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas tellement votre problème, ça. Non, mon problème, c'est qu'il faut sans arrêt racheter de la vaisselle parce qu'ils me la pètent, que quand ils sont 25, il faut faire rentrer de la bouffe pour 200. On va pas passer la journée là-dessus, si. Je les connais, c'est bon. Oui, c'est vrai que Jean-Claude a quelques fréquentations douteuses, qui parfois vont jusqu'au dérapage verbal. Chacun se souvient encore à Gros-Boule-les-Bains de ce Dominique Bûcheron qui avait traité de harki certains candidats centristes lors du dernier scrutin municipal. Scandaleux ! Mais bon, toujours est-il que Jean-Claude voulait imposer sa fête foraine pour la Chandeleur. D'autant qu'il avait une idée derrière la tête, tenir lui-même une attraction pour essayer de grappiller un peu d'oseille, bien sûr. C'est pourquoi, vendredi de la semaine passée, il est allé voir le boss des employés municipaux pour commencer à mettre en place les animations foraines. Alors je désirerais, il faut et je veux que vous commenciez les travaux tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est pas possible, tout de suite il est trop tard, j'ai pas d'ouvrier. Alors tout de suite, on peut pas. Non. Demain. Bah, demain c'est samedi, je marie ma fille. Ah bah vous travaillez pas là. Dimanche, c'est dimanche. Oui, on travaille pas. Lundi, c'est lundi. Non, on travaille plus. Mardi. Attendez, me vieux, on va prendre le problème à l'envers. Alors attendez, lundi. Bah, je travaille pas. Bon, dimanche. Je travaille pas. C'est ça. Samedi. Je marie ma fille, je travaille pas. Bon. Et maintenant? Ah ben maintenant, ben, si vous voulez, ben je me tue à vous le dire. Alors il va tout de suite. Mais tout de suite. Allez. Et oui, grâce à son redoutable esprit d'entourloupe, Jean-Claude a finalement convaincu tous les employés municipaux de bosser tout le week-end afin que sa fête foraine soit prête pour mardi dernier, jour de la Chandeleur. Et il faut être honnête, les mecs se sont déchirés, ça a de la gueule. Tout y est, le stand de tir, les chevaux de bois, le train fantôme, la baraque à crêpes forcément, mais aussi les pommes d'amour et puis bien sûr... Voici venir les papa-papa, on fait les fous. Dans la famille des papa-papa, ils se fait toucher papa-papa. Ils se transfèrent par volonté, court, long, carré. Mince, gros. Papa, maman, barbidou, barbouille, barbabelle et barbidure, barbotine et barbibule et barbalala. Viens avec nous chez papa, papa. Au cœur de sa fête foraine, Jean-Claude est comme un môme. Il s'empiffre de sucreries et au milieu des gros boulets, toute sa petite famille s'amuse. Sa fille Elsa et ses copines, maquillées comme des voitures volées, se font brancher près des autos tamponneuses. Son fils Rémi, lui, tente en vain d'attraper avec une pince toute pourrie une peluche d'Avatar. Quant à Monique, elle fait honneur à sa réputation. Bonsoir. Salut. Si vous voulez tirer ces 2 euros, la partie, on prend un coup. Je veux bien si ça vous dérange pas. Merci. Dans la cible, alors. Hein. Pas mal, ouais. Une peluche. Oh, elle est magnifique. C'est gentil, merci. Et pour le magnétoscope? 30 euros en un coup, dans l'œil du pigeon. D'accord. Merci. Dans l'œil du pigeon, alors, hein? Ouais. Ok. C'est bien, hein? J'ai fait du tir quand j'étais petite. Je peux en tirer un autre pour ma copine? J'en ai plus. Dernier. Et pour une télé? C'est pas le jour pour les télés. C'est du boulot. Bon. Ben, je vais y aller. Sans aucun doute, Monique est une fine gâchette. Tout comme son grand frère, d'ailleurs, présent lui aussi à cette fête foraine où il déambule avec Rémi, son neveu. Sauf que, voilà, le gamin semble moins doué que sa mère et son oncle avec une carabine dans les mains. Eh bien, après, on est allé parrain, il voulait absolument que je passe de la carabine. Et là, il n'y a rien gagné. Mais non, je ne sais pas tirer. T'as rien eu? Non. T'as rien, même... Rien! Rien du tout? Comment tu crois qu'on l'a eu, la poupée qui est sur le lit, à papa et maman? Bon, ben c'est parce que papa... Bon, ben... Ah, mais autant dire... On a tiré le gros lot, nous. Hein? Ouais. C'est vrai. Oui. Monique et Jean-Claude sont désespérés par la maladresse de Rémi. D'autant que c'était l'occasion rêvée de ramener plein de super bidules à la maison pour pas cher. Du coup, Monique décide d'y retourner. Quant à Jean-Claude, il rejoint son propre stand qui, sache-le, ne rencontre pas un réel succès. Mais au moment de se séparer, l'un et l'autre sont très intrigués par l'annonce d'une étrange attraction foraine. Vous tremblerez, vous pleurerez, vous hurlerez! Vous supplierez pour qu'on vous laisse sortir! Drôle de type que le propriétaire de cette attraction bizarre. Jean-Claude ne l'avait pas invité à la fête foraine de la Chandeleur. Et qu'est-ce qu'il cache derrière sa façade où il y a foule devant l'entrée? Fascinée, Monique propose alors à Jean-Claude d'aller y jeter un œil. Et pour 10 euros l'entrée, c'est le tarif le plus cher ce soir, ce curieux bonhomme les fait pénétrer dans son royaume sous les yeux hallucinés de Monique. Ça correspond à quoi tout ça? Suivez-moi, vous verrez. Ici, j'étudie l'éjaculation précoce chez les hippopotames. Je ne savais pas que les hippopotames avaient des problèmes. Ici, j'oblige un homme à avoir des relations sexuelles avec un énorme pain de seigle. Ils s'entendent très bien. Ici, je vais transplanter le cerveau d'une lesbienne sur un employé du téléphone. Est-ce qu'au moins l'expérience profitera à quelqu'un? Non, pas du tout, mais ça fera réfléchir ceux qui vont croire faux. Venez, l'esprit humain est capable de vaincre la nature. Regardez. Depuis un an, je la nourris exclusivement de silicone. Avant, elle était plate comme une limande. Encore une année, elle sera fantastique. Eh ben, se dit Jean-Claude, pour un peu, cette jeune femme pourrait bientôt exhiber sa grosse poitrine sur France Inter. Classe! Toujours est-il, pour finir, que cette visite de la Cour des Miracles a permis à Jean-Claude d'optimiser sa propre attraction mardi soir. Car dans la foulée, il s'est précipité pour installer en randonnion d'énormes phallus sur lesquels tu devais lancer des anneaux. Ça, c'est classe aussi, non? Cela dit, ce gros malin de Jean-Claude avait bien pris soin de refourguer à tous ses joueurs uniquement des anneaux au diamètre trop petit. Ainsi, à tous les coups, il était sûr de berner son monde et d'engranger la thune. Rémi fut très impressionné par l'embrouille mise au point par son père, qui néanmoins entretenait les clichés les plus nazes sur les forains. On était fait pour être forains, papa. Si seulement t'avais pas une famille sur les bras. Oui, on aurait notre propre stand. Les gens lanceraient des canards sur des ballons et ils croiraient gagner et ils gagneraient jamais. Excusez-moi de casser l'ambiance, les gars. Mais des gens se sont plaints en disant que votre jeu était truqué. Et comment? Ça m'ennuie de fermer votre stand, mais on va peut-être réussir à s'entendre tous les deux. Moi, je vous entends. Je pense qu'est-ce qu'il veut. Pas maintenant, mon garçon. Papa parle à un policier. Ah, je me suis mal exprimé. Je cherche mon ami Dublé. Vous avez pas vu un dénommé Dublé dans le coin? Non. Ouvrez bien vos oreilles et regardez-moi faire un clin d'œil quand je parle, d'accord? D'accord. À vrai dire, le type que je cherche, clin d'œil, s'appelle Monsieur Potvin. Clin d'œil, clin d'œil. C'est un jeu de lancer d'anneau. Bon, d'accord, ça suffit, je ferme votre stand. Bon, évidemment, Jean-Claude a fini sa soirée au poste et la vice-présidente du comité des fêtes a démissionné dès mercredi matin tant elle était cœurée par ses pratiques de mafieux. Néanmoins, nous sommes toujours en direct du Morgin Palace et à 11h42, il est temps, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Alors, vois-tu, ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, la lettre qui compte triple, c'est celle qui occupe la 7e place de l'alphabet, autrement dit, le G. Pourquoi ? Eh ben, parce qu'il y a gros débat entre la perfide Albion et le reste du monde. Une étude anglaise vient en effet de nous annoncer que le sulfureux point G n'existe pas. Et patatras. Cela dit, plus que sceptique, notre facétieux reporter, le Dr Love, a voulu vérifier et faire le point. Ainsi, grâce à Odile Buisson, gynécologue française de renom, découvrons ensemble, juste après la virgule, quel mystère se cache derrière la lettre G. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Une consonne et une seule, G. Alors le point G, c'est une dénomination qui a été créée par Beverly Whipple, qui est une américaine, en forme d'honneur, si vous voulez, au médecin qui s'appelait le docteur Graffenberg, qui avait remarqué que la partie antérieure du vagin chez les femmes était particulièrement sensible. Et en hommage à ce docteur Graffenberg, Beverly Whipple a décidé de dénommer cet endroit, cette zone de particulière sensibilité, le point G. Je crois que si on fait une pareille fixation autour de l'orgasme, tu vois, c'est combler la béance de l'existence. C'est de qui, ça? Je sais pas, c'est peut-être bien de Sacco et Vanzetti. Pourquoi il y a une polémique autour de ce point G aujourd'hui entre les Anglais et le reste du monde? Alors bon, c'est pas une guerre avec les Anglais, hein, il s'agit pas de bouter l'anglais hors du point G. Seulement, récemment, le King's College a produit une étude un peu péremptoire, disant que le point G n'existait pas. Et nous ne sommes pas satisfaits de cette étude parce que quand on la relit tranquillement, on s'aperçoit qu'elle est biaisée avec un I. Et on s'aperçoit notamment que la question qui a été posée aux gens qui ont été sondés est mal posée, parce qu'elle part sur un postulat qui est faux. Je suis à la recherche de mon point G. Est-ce que vous pouvez me dire où il se trouve ? Comme on en parle beaucoup, certaines femmes se sentent spoliées de ne pas l'avoir. Or, il faut leur dire que toute partie du corps, notamment chez les femmes, peuvent générer un orgasme. L'orgasme, c'est un phénomène cérébral, hein, c'est pas un phénomène clitoridien. Donc tout peut mener à l'orgasme. Le point G, c'est une des possibilités, si vous voulez. Mais comme il est très, très à la mode en ce moment, eh bien, ça crée une certaine pression sur les femmes, et puis aussi sur les messieurs aussi, qui commencent à faire la tête quand les femmes ne peuvent pas avoir d'orgasme par le vagin, par pénétration vaginale. Il commence à être un peu ennuyé de ça. Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. On ne va jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je le sais. Ah, c'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne doit pas être malheureux ou malheureuse si on ne connaît pas le plaisir par le point G, ou si on ne connaît même pas son point G. Bien sûr, parce qu'il y a bien d'autres façons de jouir. Déjà, d'être avec le partenaire de ses rêves, c'est déjà une jouissance psychique. Se caresser, faire des choses agréables ensemble. Je dis le reste, s'il arrive, c'est très bien. Mais c'est absolument pas du tout essentiel à une vie sexuelle équilibrée et épanouie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose pour se ligoter. Mais pourquoi faire? L'orgasme du point G est d'une telle violence qu'il vaut mieux prendre ses précautions. Jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup de science dans cette région-là, puisque la médecine sexuelle féminine n'existe pas quasiment. On sait très bien comment donner des érections à des messieurs, mais pour les femmes, on n'a rien fait encore. Et justement, on aimerait bien, on est plusieurs à vouloir avancer dans cette médecine sexuelle féminine qui est nouvelle finalement, parce qu'en fait, les femmes sont toujours passées en second. Mais qu'as-tu contre le baiser? Pourquoi éluder ce doux baiser si tendre?

Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Oh Philippe, cette semaine, la presse est toute chamboulée par les divisions au Parti Socialiste. Et pour commencer, un journal a consacré quelques pages spéciales à ces déchirements. Et ce canard, ce n'est pas Donald, mais c'est le journal de Mickey, avec une BD intitulée « Les copains d'abord ». Oui, parce qu'on ne dit plus camarade, hein, de nos jours, c'est terminé. Alors, Philippe, je vous explique la situation. Dans une maison sordide, un gang de très vilains méchants retient Mickey ligoté sur une chaise à l'aide d'une grosse corde et... Ah, excusez-moi Philippe, un auditeur murmure à côté de son poste. Mais c'est Gerhard qui émet l'hypothèse qu'il s'agit sans doute d'une petite séance sadomaso de bandage que cette souris Mouse a subi et savoure. Eh bien non, pas du tout. Mickey est simplement retenu prisonnier par Clive et son gang. Et bang, voici que débarque Dingo. Ah ouais, plus on est de fous, hein. Voilà, Mickey est super content, je vous rappelle le titre, hein, les copains d'abord. Voilà, donc Dingo balance des billes sur le sol. Tous les méchants se cassent la binette. Dingo délivre Mickey qui est super heureux. Oui, ça sert à ça les copains, dit Dingo, voilà. La police arrive et là, oula, c'est le drame. Parce que l'inspecteur Duflair, gros bonhomme avec une sacrée trogne, fait une blague déplacée. Dingo dit qu'il a ramassé toutes ses billes. L'inspecteur Duflair balance cette petite phrase assassine, je cite « Tu en as oublié une, Dingo. Je parlais de ta bille de clown. » Oh là là, coup bas. Duflair aurait dit que Dingo n'a pas une tronche très catholique, c'était pas pire. Pas pire, biteux, évidemment. Alors, heureusement, dans la vignette suivante, tel Martine Aubry, Mickey s'insurge. Retirez ça, Duflair. Bon, Duflair se défend penaud. Bon, c'était juste une petite blague. Enfin, voilà, bon. Alors, ensuite, Philippe, l'histoire part en vrille. Hein. Mickey et Dingo se retrouvent dans un cirque, c'est bazar partout, avant de se mettre au vert et d'aller à la pêche, aux voix sans doute, eh oui, parce qu'on prépare les régionales, eh oui. Au PS comme ailleurs. D'ailleurs, j'ai regardé ce qu'en dit l'Humanité du 7 février, qui se lamente hein, des divisions dans le monde socialiste et qui déclare à sa une, je vous le lis, « L'heure est venue pour tous les socialistes restés fidèles au parti de se serrer les coudes face à l'ennemi. » Alors, se serrer les coudes, Philippe. Oui, j'ai bien compris. C'est oui. Pas du tout du bondage. Non, pas du tout. Ça, c'est dans l'Humanité du 7 février 1921. Et je vous explique pourquoi j'ai regardé ça. Cette année, nous allons fêter le 90e anniversaire du congrès de Tours, qui a vu une majorité des militants socialistes de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, rejoindre les rangs de la 3e internationale pour devenir la section française de l'Internationale communiste. Les bolcheviks, quoi. Non, je précise, parce qu'il y a Brice Hortefeux qui nous écoute, qui comprenne les bolcheviks. Alors, Philippe, lors de ce congrès de Tours en 1920, le socialiste Léon Blum avait balancé aux communistes cette phrase mémorable. Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Voilà, aujourd'hui, la concierge, c'est Martine Aubry, et la maison est un peu déglinguée. Alors, pour aider à la rénovation de la vieille maison, je me suis évidemment plongé dans le magazine Prima Maison du mois de février, qui propose un dossier sensationnel. Quelle déco pour 2010 et surtout, quelle couleur! Car Prima Maison propose des associations nuances, par exemple gris, rose, plus vert, amande, classique, stylé, voilà. Sinon, plus pertinent, page 15... Rose plus rouge plus orange. La styliste dit que c'est flamboyant et plein de bonne humeur. Eh voilà. Ben. Le vert est à part. Ah, voilà. Bon, Philippe. C'est incroyable. Une auditrice de Louhannec en Bretagne vient de montrer ses uns devant son transistor en écoutant France Inter. Vous y croyez? Oh, mais cachez ce sein. Et revenons au duel fratricide qui s'annonce pour les régionales. Car le magazine Science, sur son site internet, propose un article essentiel pour le duel. Je vous explique, dans les westerns hollywoodiens, le méchant cow-boy attrape son pistolet en premier et le gentil dégaine ensuite et tue le méchant. Ok ? Dans les westerns spaghetti italiens, le bon cow-boy dégaine plus rapidement que le méchant, donc en premier, et le tue aussi. Alors la Royal Society de Birmingham a voulu éclaircir cette sombre affaire par l'étude de nombreuses simulations de duels. Conclusion, le geste du cow-boy est plus rapide quand il réagit à un stimuli que quand il commence l'action. Donc, celui qui dégaine en second dégaine plus vite, mais pas assez vite hein, pour rattraper son adversaire qui l'a devancé. CQFD, le Western Spaghetti est plus réaliste. Voilà Philippe. Alors pour terminer, deux remarques très rapidement. Bon, la première serait que notre auditrice de Louanex cesse de montrer ses séances. Et en Suisse, je vous conseille la lecture de Philosophie Magazine qui ce mois-ci dresse à sa une couronne au socialisme, une couronne mortuaire avec un dossier « Le socialisme peut-il renaître ?» et qui met en exergue ce paradoxe. L'impasse morale, écologique, sociale de l'ultralibéralisme est aujourd'hui avérée. Et pourtant, jamais en Europe, les partis de gauche porteurs des principes de régulation, de solidarité, de progrès social n'ont été aussi atones et désespérants. Voilà Philippe, c'est totalement dingo. Alors nous verrons bien ce qui va se passer au second tour de poitrine. Et surtout, qui va se faire miquer. Merci Maudit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 191e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Morja Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait ce matin Yvan Beaujolais, la doublure d'Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Yvan. Assistez aujourd'hui à la technique d'Aveline Carmois et de Guillaume Lacroux. Merci beaucoup à vous deux. Je remercie également Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds, Thierry Dupin, évidemment, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, les documentalistes de l'INA et Lucie Lera, notre stagiaire. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain, mais aussi samedi, dans notre cellule de dégrisement à 11h sur France Inter avec de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.